Radio Vie Meilleure, RVM. Tiré du guide de réflexion du trimestre. Un moment de partage pour affermir votre foi. Bonjour à tous, excellente journée. Avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à un temps de prière. Merci notre Père et notre Dieu pour cette belle opportunité que tu nous accordes autour de ta parole. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs, nous transforme. Que ton esprit nous enseigne aujourd'hui, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre la réflexion que nous avons commencée hier, avant-hier. Et depuis samedi, le thème central, nous allons tourner autour des plaies. Rappelez-vous, nous sommes en Égypte, le peuple d'Israël est esclave des Égyptiens, et Dieu envoie Moïse et Aaron pour demander à Pharaon de laisser partir son peuple. Let my people go. Laisse partir mon peuple. Et Dieu avait averti Moïse que le dialogue avec Pharaon n'allait pas être un long fleuve tranquille, que ce dialogue allait être compliqué. Peut-être Moïse n'a pas forcément mesuré l'amplitude de cette confrontation. Mais Dieu est avec lui et il va. Dieu lui dit d'y aller. Bon, il y va. Rappelez-vous que le cœur de Pharaon s'est endurci. Pharaon a endurci son cœur. Ce n'est pas l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon a endurci son cœur. Dieu n'a pas prédestiné la décision de Pharaon. Dieu n'a pas prédestiné Pharaon à refuser obstinément son appel. Le caractère de Pharaon s'est figé et il refuse de s'humilier. Et il décide de son propre chef qu'il ne laissera pas partir les enfants d'Israël. Alors Dieu va utiliser ce qu'il a décidé de faire pour sensibiliser le cœur de Pharaon, pour interpeller Pharaon, pour que enfin Pharaon puisse reconnaître que c'est Dieu qui parle et qu'il doit obéir à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer ce que nous appelons, ce que la Bible appelle des plaies. Il va envoyer ses plaies pour pouvoir un petit peu alerter Pharaon et aussi son peuple. Alors, la première plaie va viser le Nil. Vous savez, le Nil, toute cette région dépendait du Nil, ce fleuve qui pourvoyait de l'eau. Et on dit souvent que l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, on est en difficulté. Vous le savez bien, chez nous, en Guadeloupe, lorsque il n'y a pas d'eau, lorsqu'il y a les troubles d'eau, nous sommes un petit peu perturbés en période de sécheresse. Mais là, il ne s'agit pas de sécheresse. Dieu va décider quelque chose. Il va faire que cette eau va se transformer en sang. Imaginez-vous, hein? C'est une intervention extraordinaire de Dieu. Et subitement, l'eau va se transformer en sang. Alors, l'eau du Nil représentait une source de vie, une source où les gens allaient s'alimenter. Et faire transformer l'eau en sang, eh bien, c'est certainement quelque chose d'extrêmement compliqué. Au lieu d'avoir la vie, eh bien, on a quelque part le symbole de la mort, puisqu'il n'y a plus de vie dans le Nil et les poissons certainement vont périr. Alors, ça, c'est la première alerte. Donc, Dieu ne va pas s'arrêter là. Mais sachez que si Pharaon avait obtempéré, eh bien, les choses ne seraient pas passées de la même façon. Donc, deuxième élément que nous allons voir dans cette leçon que vous avez déjà vu, Dieu va envoyer des grenouilles. Alors, vous savez que les Égyptiens adoraient des dieux. Je vous le disais hier, il y avait des centaines et des milliers de dieux en Égypte. Hein. Et au lieu que le Nil puisse produire des poissons, de la vie, eh bien, il va envoyer des grenouilles. Et les Égyptiens vont essayer de s'en débarrasser, mais qui va faire que ces grenouilles vont cesser? Qui va faire que l'eau qui a été transformée en sang revienne normale? Eh bien, c'est Dieu. Donc, que fait Dieu? Dieu agit sur les éléments. Il a le contrôle total sur tous les éléments. Et la troisième plaie, vous allez réaliser qu'elle est plus courte. Dieu va envoyer des types d'insectes, des moucherons, des moustiques, des poux. Mais quand même, Dieu va accorder une certaine grâce à Pharaon. Vous voyez, ces trois étapes montrent la patience de Dieu. Premier élément, deuxième élément et troisième élément. On devrait déjà se dire que l'Éternel, lorsque vous lisez ce fragment de texte dans le livre d'Exode, l'Éternel avait spécifiquement donné à Pharaon sept fois cette instruction, au moins à sept reprises, laisse aller mon peuple. Et à un moment donné, Dieu va utiliser une fois une phrase conditionnelle négative, si tu ne laisses pas aller mon peuple, alors je vais envoyer des mouches venimeuses sur toi. Donc, voyez comment Dieu est extraordinaire et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il avertit Pharaon de ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est certainement, c'est la patience de Dieu. Dieu va progressivement, mais ce qu'il souhaite, en fait, c'est que nous changions d'orientation lorsque celle que nous avons adoptée n'est pas convenable. C'est encore à travers ces plaies, l'amour de Dieu qui se manifeste vis-à-vis des Égyptiens et vis-à-vis de Pharaon. Mais Pharaon ne le comprend pas de la même façon. Or, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous interpelle pas? Je parlais d'outils la dernière fois, pour pouvoir attirer notre attention sur notre trajectoire, sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons. Qu'est-ce que Dieu utilise pour te parler? Qu'est-ce qu'il utilise pour me parler? Comment je conçois les éléments que Dieu utilise pour pouvoir m'interpeller? Alors, c'est à chacun de pouvoir réfléchir sur sa compréhension et surtout l'acceptation de l'invitation que Dieu nous adresse à changer d'orientation. Alors, il faut toujours garder à l'esprit que cette démarche n'est pas là pour pouvoir taquiner, pour pouvoir mettre mal à l'aise les Égyptiens. Cette démarche de Dieu est là pour que les Égyptiens et que Pharaon qui représente son peuple puissent prendre conscience d'une certaine situation, prendre conscience qu'ils s'opposent à Dieu et qu'ils changent de direction. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne nous arrive pas, un petit peu comme Pharaon, de nous entêter dans une situation, de nous entêter dans une dérive, nous entêter dans une transgression, alors que eh bien, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle et Dieu nous invite à changer d'orientation. Donc, ces premiers éléments, les trois, nous avons vu les trois premières plaies, n'étaient pas dirigées contre le peuple égyptien, mais contre ses dieux. Qu'on se dise et qu'on se le répète, Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu est tout-puissant. Et dans sa toute-puissance, il y a de la mansuétude. Dans sa toute-puissance, il faut retenir cet appel au changement, cet appel à l'obéissance, cet appel à la transformation, et que Jésus lui-même est venu nous dire sur cette terre que c'est aujourd'hui le temps de réfléchir, mais c'est aujourd'hui aussi le temps qui nous est donné pour prendre conscience de notre situation. Et avec l'Esprit de Dieu, de changer d'orientation. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Rendez-vous à demain. Prions ensemble, notre Père et notre Dieu. Tu as voulu interpeller les Égyptiens et Pharaon sur leur réalité. Et tu leur as envoyé ces plaies. Mais nous qui vivons aujourd'hui, en 2025, être conscients de tes appels, être conscients quand tu nous parles, quand tu nous invites à changer de direction, rends-nous sensibles à ton invitation. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. C'était une analyse des grands thèmes de la Bible. Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure.